إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc la semaine passée on a vu les quatre conditions qui ont rapport avec al-qadar ou les quatre niveaux de qadar. Qui peut les mentionner? Ouais. C'est le deuxième qui te manque. Sahih, sahih. Ok. Maintenant, qui peut m'expliquer c'est quoi l'erreur de Al-Qadariya dans, à propos de Al-Qadar? C'est quoi leur problème? Ouais, ils disent qu'on est libre de tout faire, il n'y a pas de prédestination. D'accord. Maintenant, Al-Jabriya. Exactement. Exactement. Puis la position de Ahl-Sunnah, en résumé. Exactement. Et puis aussi que, bon, Allah a créé nos actions, etc. Donc là, aujourd'hui, on va expliquer, on va continuer notre explication, et puis on va essayer de mieux comprendre encore plus qu'est-ce qui nous distingue de ces gens de bid'ah, et nous des différentes sectes. Premièrement, il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que Al-Jabriya et Al-Qadariya, ils ont raison d'un certain point de vue, puis ils ont tort dans un autre point de vue, d'accord? Chacun des deux, ils ont raison dans un point, ils ont tort dans l'autre. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Le Cheikh il dit, Al-Jabriya muhiquna anna allaha khaliqu af'al al-ibad, wa mukhti'una fi qawlihim inna al-abda laysa bifa'ilin li-af'alihi, innama al-fa'il huwa Allah. Donc, Al-Jabriya, ceux qui disent que l'être humain n'a pas de choix ni de liberté et qu'il est obligé de faire ce qu'il fait, eh bien ceux-là, ils ont raison dans un point. Et ce point-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les actions de ses serviteurs. Donc dans ça, ils ont raison. Excepté qu'ils ont tort dans l'autre aspect, c'est-à-dire qu'ils disent que nos actions ne sont pas nos actions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Donc ils ont tort de ce point de vue-là. Tandis que Al-Qadariya, eux, yani le Cheikh dit, « هم محقون في إثباتهم قدرة العبد على الفعل على أفعالهم على الفعل وعلى فعل أفعالهم وفعله لها ومسؤولية عنها. » Donc, eux, ils ont raison dans un point. Et ils ont raison, c'est d'affirmer Al-Qadar. Ils ont raison d'affirmer Al-Qadar. Et d'affirmer que l'être humain a la capacité de faire ce qu'il fait. Et qu'il a une capacité de faire ses actions. Et qu'il est responsable de ses actions. D'accord? Donc, ils ont raison. Al-Qadariya, dans ça, ils ont raison. Sauf qu'ils ont tort dans un autre point de vue, c'est, هم مخطئون في قولهم إن العبد خالق أفعاله وإن الله ليس بخالق لأفعال العبيد فأثبتوا خالقين مع الله. Donc ils ont tort du point de vue de dire que c'est les êtres humains qui créent eux-mêmes leurs actions. et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas lui qui crée les actions des serviteurs, donc c'est comme s'ils ont affirmé qu'il y a deux créateurs, ou même plusieurs créateurs dans la création. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien, ils ont pris les deux points, ils ont pris le point de Al-Qadariya et le point de Al-Jabriya qui ont raison, ils ont mis ensemble, et ils ont rejeté les deux points, les deux erreurs de chaque, ou l'erreur de chacun des deux. Ils ont pris la partie qui est bonne et ils ont rejeté l'aspect qui est mauvaise. Donc le cheikh il dit wa ahlu sunnah qalu bima ma'a ta'ifatayn min al-haq. Hein? Nous on a pris ce qui est de vérité dans les deux groupes. C'est-à-dire anna Allah khaliq af'alihim 'ala al-haqiqa li'anna al-'ibad خلق له وأفعال المخلوقين مخلوقة لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. Donc أهل السنة on a dit que Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé nos actions réellement, et les créatures, les êtres humains, on est créés par Allah سبحانه وتعالى, et nos actions également sont créées par Allah سبحانه وتعالى. Et Allah سبحانه وتعالى il dit Allah سبحانه وتعالى vous a créé de même que ce que vous faites. Donc, il nous a créé, et tout ce qu'on fait est également créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنَعَتُهُ وَصِنَعَتُهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah, il a tout fait, hein, il a fait tout ce qui fabrique des choses, et il fait également ce qu'il fabrique. C'est Allah qui a créé ce qu'il fabrique. Ensuite, le cheikh il dit, وقالوا العبد فاعل لفعله حقيقة قادر عليه بإقدار الله له عليه والله أثبت للعبد فعلا فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. Donc, de leur point de vue, aussi, ça c'était le point de vue de l'aspect de Qadariya, c'est-à-dire que on n'a pas créé nos propres actions, c'est Allah qui les a créées, et ça c'est qu'est-ce que les Qadariya ont nié. Et ça, l'autre aspect, c'est que Al-Abd, c'est lui-même, le serviteur ou l'être humain, c'est lui-même qui fait ses actions réellement, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait à sa place, c'est lui-même qui le fait par la permission d'Allah et par la capacité qu'Allah lui a donnée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a affirmé que le serviteur, il a réellement une action, c'est-à-dire il a attribué l'action au serviteur lui-même et non pas à lui-même directement, et il dit tout ce que vous faites de bien, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc ça veut dire que l'action que tu fais, c'est toi-même qui l'a fait, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَرُدُّونَ مَا مَعَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْبَاطِلِ. Donc on rejette qu'est-ce qu'il y a de faux dans les deux groupes, dans le groupe de Al-Jabriya ou dans le groupe de Qadariya. Donc on dit pas, hein, فَلَمْ يَنْفُوا فِعْلَ الْعَبْدِ كَقَوْلِ الْجَبْرِيَّةِ وَلَمْ يَجْعَلُوا الْعِبَادِ خَالِقِينَ لِأَفْعَالِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَقَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ. Donc nous on nie pas que l'être humain fait ce qu'il a fait, contrairement au Jabriya, et on dit pas qu'il y a d'autres créateurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, yani, en disant que les êtres humains créent leurs propres actions. D'accord? Donc, on a rejeté les deux erreurs qu'ils ont fait. Et le cheikh, il explique par la suite, il dit la cause, pourquoi ces deux groupes-là ont dévié dans cette question de qadar. Hein, le cheikh, il dit, وَسَبَبُ ضَلَالِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِجَمِيعِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي الْبَابِ وَضَرَبُوا بَعْضَهَا بِبَعْضِ. Donc, leur égarement, ou la cause de leur égarement dans cette question, c'est parce qu'ils n'ont pas pris tous les textes qui sont rapportés au sujet du qadar. Ils en ont pris juste une partie, puis ils ont frappé une partie avec l'autre. Hein, ils les ont mis l'un contre l'autre. Ils n'ont pas essayé de les rassembler, de les mettre ensemble. D'accord? Donc ça, c'est la raison de leurs erreurs. Le cheikh, il dit, فَالْجَبْرِيَّةِ أَخَذُوا بِالنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ خَالِقٌ أو خالق كل شيء وأن كل شيء بقدر الله وقضائه ومشيئته وأغفلوا ما دل منها على أن العبد أن للعبد فعلا وقدرة وإرادة. Donc eux, les Jabriya, ils ont juste pris les aspects des textes du Coran et de la Sunna qui montrent que Allah est le créateur de toutes choses et qu'il a le pouvoir sur toutes choses, mais ils ont laissé, et que tout ce qui se passe est par son décret et sa volonté, mais ils ont mis de côté ou ils ont négligé tous les autres versets qui prouvent que l'être humain a réellement une volonté et une capacité de faire un acte, et il a vraiment, Allah lui a vraiment attribué les actions qu'il fait. Ça c'est un point de vue, ça c'est les erreurs d'Al-Qadariya, ils ont juste pris cet aspect des textes qui affirment le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala en négligeant les autres textes. Maintenant Al-Qadariya, c'est tout à fait le contraire, ils ont fait l'autre extrême, hein, Al-Qadariya. On a vu Al-Jabriya tout à l'heure. Ouais. Al-Jabriya, ils ont juste dit que tout ce qui se produit, c'est par la volonté d'Allah, puis c'est le pouvoir d'Allah, mais ils ont nié que l'être humain a une volonté et qu'il a une capacité de faire les choses. Maintenant, Al-Qadariya, c'est l'autre extrême. Akhadu bin Nusus ad-dalla ala anna al-abd huwa al-fa'il li fi'lihi ala al-haqiqa wa anna lahu qudra wa irada wa mashi'a wa ikhtiyaran. وأهملوا ما دل منها على خلق الله لأفعال عباده وعموم قدرته عليها ومشيئته لها. Donc eux, Al-Qadariya, ils ont pris les textes qui montrent que l'être humain est réellement celui qui agit et qui fait les actions qu'il fait réellement, et qu'il a une capacité de faire et une volonté, et qu'il veut et qu'il choisit les choses. Mais ils ont mis de côté tous les textes qui montrer que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les actions de ses serviteurs et qu'il a une capacité et un pouvoir réel sur les choses qui se produisent dans l'univers, et que c'est lui-même, et que tout ce qui se produit est par sa volonté, et que tout ce qui arrive c'est parce qu'il l'a voulu. Et le cheikh il dit wal haq, et la vérité, c'est que il faut prendre tous les textes, i'mal jami' an-nusus كلٌ فيما دل عليه. Il faut prendre tous les textes qui sont rapportés au sujet du qadar et les mettre chacun de ces textes là où ils vont et là où ils doivent être appliqués. D'accord? Donc là on a expliqué ce point-là la semaine passée, puis on a continué. Mais là on arrive à une autre question. C'est la question de que Ahlus Sunnah al-Jama'a, on est dans le juste milieu entre dans les significations de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il aime ou de son amour et de sa satisfaction, du fait qu'il agrée et qu'il est satisfait des actions des créatures et de ses serviteurs. Le cheikh il dit هم وسط في معنى إرادة الله ومحبته ورضاه. Donc là on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le cheikh il dit ومن المعلوم بداهة أنه يقع في الكون أنه يقع في الكون ما هو طاعة وإيمان وخير وبر وإحسان كما يقع ما هو معصية وكفر وشرك فهل يقع بمشيئة الله وإرادته. Donc le cheikh il dit on sait que qu'est-ce qui se produit dans l'univers, il y a des obéissances de la foi, du bien, des bonnes œuvres, hein, de la bonté, etc. De même qu'il y a également de la mécréance, des péchés, du shirk. Est-ce que tout ça se produit par la volonté d'Allah et par son vouloir? Et le shirk il dit, wal khayru min zalika wa shar, est-ce que le bien et le mal sont également, tout le bien et le mal qui se produit, ça arrive également par la volonté d'Allah? Al-Iman, la foi, le kufr, l'obéissance et la désobéissance également. Le shirk il répond par la suite, il dit, إذا قلنا أن كل ذلك أراده الله وشاءه وقضاه وقدره فهل أحبه أو رضيه أم هو كره الكفر والمعصية والشر من ذلك. Donc le cheikh il dit, et si on dit que tout ce qui arrive il l'a voulu, il a décidé, il a décrété, est-ce qu'on dit par la suite qu'il l'a aimé, qu'il l'a agréé, ou qu'il a détesté et qu'il ou qu'il a détesté la mécréance, le péché et le mal de qu'est-ce qui se produit. وإذا قلنا أنه أحبه ورضيه فكيف يؤاخذ أو يؤاخذ عباده عليه ويعذبهم لأجله. Et si on dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé et l'a agréé, comment on pourrait par la suite demander des comptes aux serviteurs à ce sujet-là, et pourquoi on le punirait pour l'avoir fait, de l'avoir fait, et on est par la suite. Et le chef il dit, وَإِذَا قُلْنَا أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَكَيْفَ شَأَهُ وَأَرَادَهُ وَقَضَأَهُ وَقَدَّرَهُ مَعَ كَرَهَتِهِ لَهُ. Et si on dit qu'il l'a détesté, hein, alors comment il l'a voulu s'il l'a détesté et qu'il l'a décrété et qu'il l'a prédestiné, hein, alors qu'il le déteste. D'accord? Tout ça c'est des points d'interrogation que le chef met pour expliquer l'importance de ce problème-là et de cette question-là, pour savoir comment on répond, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, à ces questions-là, et comment les gens de Bid'a, eux, ont dévié au sujet de ces questions-là, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Cheikh, il dit, « اختلفوا في هذا الفرق » اختلفوا في هذا الفرق » Les sectes ont dévié sur tous ces points-là. Ils ont dévié complètement, et c'est Ahl Sunnah wal Jama'a seulement qui a été guidé au droit chemin sur cette question-là. Cheikh, il dit, قالت القدرية المعتزلة. القدرية المعتزلة, parce qu'on sait que les معتزلة sont des قدرية, et ben eux, voici ce qu'ils ont dit à ce sujet-là. كل ما أراده الله وشاءه فقد أحبه ورضيه فسووا بين إرادته ومشيئته وبين محبته وجعلهما بابا واحدا. Donc on a déjà expliqué, quand on a expliqué Al-Asma wa Sifat, le Tawhid dans Al-Asma wa Sifat, on a déjà expliqué que Al-Mu'tazila et Al-Jahmiya et Al-Asha'ira, ils font le ta'wil des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, toutes les attributs comme Al-Mahabba, Al-Rida, hein, la satisfaction, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'interprètent comme étant sa volonté. D'accord? Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tout ce qui arrive dans l'univers, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu, il l'a, c'est sa volonté, il l'a voulu, il l'a aimé, et il est satisfait de ces choses-là, de tout ce qui se produit dans l'univers. Et ils n'ont pas fait de distinction entre le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté. Iradatuhu wa mashi'atuhu. Et entre son amour, et donc ils ont pas fait de distinction entre sa volonté, qu'est-ce qu'il a voulu, et son amour. Et ils ont fait de ça la même chose. D'accord? ثم قالوا الكفر والفسوق والعصيان لا يحبها ولا يرضاها فلا يريدها ولا يشاؤها فأخرجوها من محيط إرادته وعموم مشيئته. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi ils ont nié Al-Qadar. Pourquoi ils ont nié Al-Qadar? Parce que eux, ils ont dit que, ils ont dit que la mécréance, les péchés et les désobéissances, Allah ne les aime pas et n'est pas satisfait de ces péchés-là et il ne les veut pas. Il ne les a pas voulu et il ne les a pas souhaités. Donc, ils les ont fait sortir complètement des limites de sa volonté et de ce qu'il a voulu. D'accord? Et il donne un exemple, le chef, il dit, قال القاضي عبد الجبار, un des Mu'tazila, القاضي عبد الجبار, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans l'autre chapitre, quand on a parlé du pont sur l'enfer, أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا للمعاصي وهو أنه لو كان مريدا لها لوجب أن يكون محبا لها وراضيا بها لأن المحبة والإرادة والرضا من باب واحد بدلالة أنه لا فرق بين أن يقول القائل أحببت وبين أن يقول أردت. Ça c'est les paroles des Mu'tazila. Ils disent que il n'est pas possible de dire que Allah veut qu'il y ait des péchés, parce que si tu dis qu'il les veut ou qu'il a voulu que ces péchés-là se produisent, non, ça veut dire que c'est obligatoire qu'il les aime et qu'il en est satisfait. Et l'amour et la volonté et la satisfaction font partie sont une seule et même chose. Il n'y a pas de différence entre le fait de dire j'ai aimé et j'ai voulu une chose. Donc eux, ils font pas de distinction entre aimer une chose et la vouloir. Donc pour eux, hein, ils disent que Allah a voulu tout ce qui se passe, Allah n'a pas voulu qu'il y ait des péchés et des désobéissances et des choses de ce genre dans la création. Donc Allah, tout ce qui se passe de péché, de désobéissance, c'est pas Allah qui l'a voulu. Donc eux, ils ont permis que quelque chose se passe dans l'univers et que ce soit pas selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça veut dire que il y a des choses dans l'univers qui peuvent échapper à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon ce qu'ils disent eux. Et ça c'est complètement faux et complètement absurde. Hein? Non, ça c'est le qadariya. On est encore dans le qadar, on n'est pas dans d'autres aspects encore. Mais attends. وقال إنه لا يريد القبائح ولا يشاؤها ويكرهها ويسخطها. إن الله إلذي يكتمل الجزاء. فسأل القاضي عبد الجبار المعتزلي إلذي إن لا يبى إن لا يبى كيس كي لا كيس كي موبى إن لا يزا با سوتي إن لا يدتست إن لا يعني إن لا يدتست. سأك سأبدأ. وقال في قول الله تعالى والله لا يحب الفساد. Lorsqu'il a expliqué le verset qui dit Allah n'aime pas le désordre, il a interprété en disant يدل على أنه تعالى لا يريد الفساد ولا يحبه سواء كان من جهته أو من جهة غيره. C'est-à-dire, lui, il a interprété en disant Allah il ne veut pas, hein, il interprète l'amour comme si ça veut dire la volonté. Donc il dit Allah il ne veut pas le désordre et il ne l'aime pas. Peu importe que ça vienne de lui-même ou que ça vienne d'autre que lui. فهم لا يفرقون بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا. Donc ils ne font aucune distinction entre la volonté, le vouloir, l'amour et la satisfaction. جعل الكفر والمعاصي والفساد ليست مرادة لله ولا واقعة بقدره ومشيئته. لأنه لا يحبها ولا يرضاها إذ معنى الإرادة ومعنى المحبة والرضا إذ هو معنى المحبة والرضا. Donc ça veut dire pour eux, il n'y a pas de distinction entre la volonté, l'amour et le vouloir. Ils ont fait que le kufr, le péché et le désordre, tout ça n'arrive pas par la volonté d'Allah. Hein? Et que ça fait pas partie de qu'est-ce qu'il a prédestiné et de qu'est-ce qu'il a voulu, parce qu'il ne l'aime pas et il ne l'agrée pas et il n'est pas satisfait de ces choses-là. Donc ça c'est Al-Qadariya, ça c'est leur position à eux. Maintenant la position des Jabriya, hein, قالت الجبرية القول كله بقضاء الله وقدره هو الله والله هو الخالق الفاعل في الحقيقة إذ العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له ولا إرادة كما تقدم. Donc Al-Jabriya, ils disent que tout ce qui se produit dans l'univers est selon le décret d'Allah et sa prédestination. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé réellement les actions des êtres, réellement des êtres humains. Et l'être humain est obligé de faire ce qu'il fait. Il n'a aucune volonté et il n'a aucune capacité de faire ce qu'il veut faire, comme on l'a déjà expliqué par rapport à la parole des Jabriya. Donc il dit فكل ما وقع في الكون يكون محبوبا ومرضيا له. Donc eux ils disent que tout ce qui arrive dans l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a aimé et il l'a voulu. D'accord? Mais eux ils ne le prennent pas de la même façon que Al-Qadariya. Parce que eux ils disent que le Qadariya, ils disent que Allah n'a pas voulu le péché et la désobéissance. Eux, le contraire, ils disent que tout ce qui arrive dans l'univers, Allah l'a voulu et il l'a aimé, etc. parce qu'il n'y a rien qui se produit sans qu'il l'ait voulu. Al-Qadariya, eux, ils disent tout ce qui arrive, les péchés qui arrivent et les désobéissances, ça arrive sans que ce soit en accord avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour eux, yani, hein, le cheikh il dit سواءٌ في الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي إذ كل ذلك واقع بإرادته ومشيئته فسووا بين بين الإرادة والمحبة والرضا. Donc pour eux, que ce soit, c'est égal que ce soit dans la foi, dans la mécréance, dans les obéissances et dans les péchés. Tout ça, ça arrive selon la volonté et le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pas fait de distinction entre la volonté, l'amour et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et وَلِذَلِكَ احْتَجُوا بِالْقَدْرِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. Donc eux, ils utilisent la prédestination comme, comme une excuse pour faire des péchés. D'accord? Ça c'est, ça, ceux qui font ça, c'est souvent as-soufiyya, les soufistes, qui croient en wahdatul wujud ou en hulul ou des choses de ce genre, c'est-à-dire que tout dans l'univers est Dieu, hein. Donc, ça explique pourquoi ils pensent comme ça. Tout est bon, tout est, en tout cas, on parle plus dans toutes sortes de détails, mais c'est juste pour dire que eux, ils utilisent ça comme une excuse. Tout ce qui arrive, tu fais un péché, hein, c'est parce qu'Allah l'a voulu. D'accord? Donc, il faut pas te blâmer parce que t'as pas de volonté, t'as pas de capacité. Et ils disent par exemple, وَقَالَ قَائِلُهُمْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَاؤُنَا. Ça, c'est un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par rapport, il cite les paroles des mouchriquins qui disaient, si Allah n'aurait pas voulu, on n'aurait pas fait le shirk. Ni nous, ni nos ancêtres, ni nous, ni nos ancêtres. Donc ils essayaient de se baser sur la prédestination pour justifier le shirk qu'ils faisaient. C'est-à-dire, on n'a pas, Allah a voulu qu'on fasse le shirk puisqu'on est en train de le faire. Et s'il n'aurait pas voulu, on ne le ferait pas, ni nos ancêtres, d'accord? Et ça c'est une shubha en fait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va l'expliquer, on va l'expliquer clairement par la suite, et donc tout ça va devenir clair au cours. Et là, maintenant, on va parler de, avant d'expliquer la position de Ahl Sunnah et de réfuter leur point de vue, on va expliquer maintenant la position de Asha'ira, qu'on appelle Al-Jabriya Al-Mutawassita, c'est-à-dire les Jabriya intermédiaires. Ok? إذا كان هذا قول الجبرية فما يقول الجبرية المتوسطة وهم الأشاعرة. شيخ يرى الأشاعرة كما قال الجويني في الإرشاد أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه ولا يختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف، بل هو تعالى يريد لوقوع الجميع لوقوع جميع الحوادث عليكم السلام ورحمة الله خيرها وشرها نافعها وضرها، أي لا تخرج شيء عن إرادته عز وجل، وهذا حق. Donc ils ont الجويني il a dit dans son livre l'Irshad. الجويني c'était un des أشاعرة، un des شيوخ parmi les أشاعرة، et il a créé un livre qui s'appelle l'Irshad. Et dans ce livre-là, il disait tout ce qui arrive dans l'univers est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, et sa volonté a rapport avec toutes les parties de la création, hein, et tout ce qui arrive dans l'univers, ça fait partie de sa volonté, que ce soit bien ou mal, hein, et que ce soit nuisible ou profitable. Et il n'y a rien qui sort de sa volonté. Donc ça, c'est cet aspect-là, ce qu'ils ont dit là maintenant, c'est la vérité, c'est-à-dire c'est correct. Il n'y a pas d'erreur vraiment dans ce qu'ils ont dit maintenant. Mais qu'est-ce qui vient par la suite? C'est là l'erreur. Cheikh dit, ولكن هل يحب الكفر والمعاصي إذا أرادها؟ Maintenant ils ont dit, ouais, tout ce qui arrive dans l'univers, Allah l'a voulu. Ça c'est vrai, il l'a voulu. Mais est-ce qu'il aime le kufr? Comme on a vu tout à l'heure que Al-Qadariya, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas voulu le péché, il n'a pas aimé, etc. Maintenant, Al-Jabriya, ils disent oui, il l'a aimé, il l'a voulu. Maintenant, Al-Mutawassita, eux, ils ont dit, tout ce qui arrive dans l'univers, il l'a voulu. accepté, est-ce qu'il l'aime maintenant? Et le cheikh il répondit, ماذا يقول الأشاعرة ومن مذهبهم أن المحبة والرضا بمعنى الإرادة ويؤولون بذلك محبة الله ورضاه فهل يقولون إن الله أحب ذلك ورضيه donc ça c'est le point là qui est sensible pour c'est-à-dire ceux qui ont dit que المحبة et الرضا ont la signification de la volonté est-ce qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala aime et est satisfait de la mécréance et des péchés et de ces choses-là. Donc, maintenant on va voir, le cheikh il dit, لَقَدْ اضْطَرَبُوا فِي ذَلِكَ اضْطِرَابًا بَيِّنًا وَاخْتَلَفَ أَئِمَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ الْجُوَيْنِي مِمَّا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَقِّ il parle de l'Asha'ira ici. Donc c'est pas, on sait que ce ne sont pas Ahlul Haqq, mais lui il les appelle comme ça. Ahlul Haqq fi itlaqihi wa man'u itlaq al-mahabba wal-rida. Donc ils ont eu des divergences entre eux, les savants des Asha'ira, au sujet de est-ce que c'est permis d'affirmer que Allah aime ou est satisfait des péchés ou de la mécréance ou non. Donc il y en a parmi eux qui ont eu des divergences. Le cheikh il dit par la suite, فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ هَلْ يُحِبُّ اللَّهَ كُفْرَ الْكُفَّارِ وَيَرْضَاهُ Si quelqu'un demande, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime la mécréance des mécréants et est-ce qu'il en est satisfait? فَمِنْ أَئِمَّتِنَا مَنْ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ وَيَرْضَاهُ Il dit parmi nos imams, il y en a qui refusent d'affirmer ou d'appliquer, de dire ça à leur sujet, ou au sujet d'Allah. Ils refusent de dire que Allah est satisfait et a aimé le kufr. ثُمَّ هَؤُلَاءِ تَحَزَّبُوا حِزْبَيْنِ Ceux-là se sont divisés en deux groupes. Ceux qui ont dit qu'ils refusent de l'affirmer ou de dire que Allah est satisfait et a aimé ces choses, la mécréance, ils se sont divisés en deux groupes. فذكر قوله ما ثم قال ومن حقق من أئمتنا لم يكع يجبن عن تهوين المعتزلة وقال المحبة بمعنى الإرادة وذلك الرضا وكذلك الرضا المحبة بمعنى الإرادة وكذلك الرضا والرب تعالى يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا عليه Donc ça c'est les paroles des Asha'ira qui ont fait le tahqiq selon qu'est-ce que l'imam al-Juwayni il dit ici, il dit, parmi ces gens-là qui se sont divisés en deux groupes, il a mentionné les preuves de chacun de ces deux groupes-là ou leur position, puis après ça il a dit, et parmi nos imams, ceux qui ont vérifié la question, ils n'ont pas eu peur de se faire réprimander par les Mu'tazila et ils ont affirmé que Al-Mahabba, c'est-à-dire l'amour, ça signifie la volonté, de même que la satisfaction. Et donc ils ont dit, et le Seigneur, Ar-Rab, Allah, ils disent qu'il aime la mécréance et il en est satisfait de la mécréance. Tu vois? Donc ça c'est une de leurs positions absurdes. Et le cheikh dit, wa qala ahlus sunnah, c'est-à-dire les gens d'ahlus sunnah, ils ont dit quoi? Voici la position. ليس معنى المحبة والرضا هو معنى إرادة الله بل بينهما فرق ولا بد من التنبه له الشيخ الزي selon أهل السنة l'amour, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ce n'est pas la même chose que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a une différence entre ces choses-là et il est très important d'y faire attention parce que Allah subhanahu wa ta'ala il peut permettre que certaines choses arrivent dans sa création de péché ou des choses de ce genre mais ça ne veut pas dire qu'il les aime il y a beaucoup de preuves de ça mais là on va expliquer pour que ce soit très très clair au moment il faut comprendre qu'il y a une différence entre al-irada ou al-mashi'a d'accord al-irada c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala wal-mashi'a c'est son vouloir qu'est-ce qu'il veut qu'il se produise Peut-être qu'en français c'est pas clair, mais maintenant je vais vous expliquer, vous allez comprendre comme il faut. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé, ou il a parlé de sa volonté dans le Coran, et il l'a divisé en deux catégories. D'accord? Il y a al-irada, al-shar'iyya, al-diniyya, al-amriyya, et il y a al-irada, al-qadariyya, al-kawniyya, al-khulqiyya, ou al-khalqiyya. Donc, c'est qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une volonté qui est légale, c'est-à-dire une volonté qui a rapport avec qu'est-ce qu'il a révélé dans ses révélations, qu'est-ce qu'il a envoyé par ses prophètes. Ça, c'est une volonté qui a rapport avec la révélation, qui est religieuse. Sa volonté, disons, religieuse. Sa volonté qu'il a révélée. Puis il y a une autre volonté qui est une volonté universelle, c'est-à-dire une volonté qui a rapport avec la création, avec la prédestination. D'accord? Et cette deuxième volonté-là, c'est en réalité son vouloir. Son vouloir, qu'est-ce qu'il a voulu? Parce qu'il y a une différence entre vouloir puis avoir la volonté. D'accord? C'est ça la différence. Maintenant, on va expliquer et on va donner des exemples pour chacune de ces deux volontés-là. Donc, al-irada al-shar'iyya, amriya diniya, ça, le chef dit, هي التي تتضمن معنى المحبة والرضا, كقوله تعالى, يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, وقوله, والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما, يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ولا يرضى لعباده الكفر. Donc ça c'est des exemples dans certains versets qui expliquent la volonté légale qui a rapport avec sa révélation dans le Coran, qui nous explique ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce de quoi il est satisfait, et ça, ça a rapport avec sa volonté qui est par rapport à aux choses religieuses ou du point de vue religieux. Et il donne comme exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour vous la vérité, Allah a voulu pour vous la facilité et n'a pas voulu pour vous la difficulté. Ça c'est la volonté légale, parce qu'on la connaît par rapport à la révélation d'Allah. Si Allah ne l'avait pas révélé, on n'aurait pas connu. D'accord? Et aussi la parole d'Allah dans laquelle il dit, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, que vous amenez à vous repentir, Et ceux qui veulent que vous suiviez ceux qui veulent suivre leur passion et leur désir, ils souhaiteraient que vous penchiez vers leur désir et vers les péchés. Après, il dit, وَيُرِيدُ أَنْ يُخَفِفَ عَنْكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous alléger les choses, et l'être humain a été créé avec une faiblesse. Il a été créé faible. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait de la mécréance de son serviteur. D'accord? Ça c'est dans un verset dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Ça c'est dans le Coran, dans la sourate Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si vous rejetez la foi, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de vous, mais il n'est pas satisfait de la mécréance de son serviteur, mais si vous êtes reconnaissant, il en est satisfait pour vous. D'accord? Donc ça c'est une preuve claire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas agréé, il n'est pas satisfait de la mécréance des êtres humains. Maintenant il y a al-mashi'a, c'est-à-dire le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien sa volonté qui est universelle, qui est dans sa création, qui est prédestinée. Et le cheikh dit, وهي التي بمعنى المشيئة الشاملة لجميع الموجودات وذلك في مثل قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد وقوله ولا ينفعكم نصحي إذ أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. Donc ça c'est des versets qui ont été rapportés pour expliquer l'exemple de la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que cette volonté là c'est la volonté qui a rapport avec toutes les choses qui sont créées dans l'univers. Donc il n'y a rien qui peut arriver dans l'univers sans que ce soit par sa volonté, ça c'est certain. Sinon, ça veut dire qu'on pourrait, que les créatures pourraient ouais, c'est ça. Donc ce serait pas logique, Ali. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Ce serait le désordre absolument. Yani, on pourrait pas affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est tout puissant si des choses pouvaient s'enfuir de sa puissance. Le cheikh il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Yaf'alu ma yurid. وقوله ولا ينفعكم نصحي et mon conseil pour vous n'aura aucun profit pour vous, ne sera pas bénéfique pour vous si moi je veux vous donner le bon conseil alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui veut vous égarer. Et dans un autre verset, et celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il ouvre son cœur ou il ouvre sa poitrine à l'islam. Tandis que celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut dévier, veut égarer, il rend sa poitrine étroite. Comme si quelqu'un qui monte vers le ciel. Donc, il se sent écrasé. Il se sent sa poitrine écrasée, comme s'il ne veut pas respirer, comme s'il monte dans le ciel. Ça, c'est la personne que Allah subhanahu wa ta'ala veut égarer. Donc ça montre qu'il y a une volonté, que Allah subhanahu wa ta'ala veut que les êtres humains acceptent la foi, répondent aux messagers, suivent la guidance. Puis en même temps il y a une volonté qui est universelle, qui a rapport avec tout ce qui se produit dans l'univers, et c'est lui qui contrôle toutes choses dans l'univers. D'accord ? وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَعَاصِي إِرَادَةً كَوْنِيَةً قَدَرِيَةً فَهُوَ لَا يُحِبُّهَا وَلَا يَرْضَاهَا ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها هذا قول السلف قاطبة. Donc أهل السنة ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il veut que les péchés se produisent mais d'une volonté universelle et prédestinée, ça ne veut pas dire qu'il l'aime, c'est-à-dire il ne l'aime pas, il n'en est pas satisfait et il ne l'a pas commandé et il la déteste et il la rejette, et il interdit à ses serviteurs de les poursuivre, et ça c'est la parole de tous les salafs. Le cheikh dit, العقل في إدراك العلل والأوامر من حسن وقبح إلى آخره. Donc le cheikh dit que ça il parle d'un autre point maintenant, et c'est la question qui a rapport avec la raison comment on peut percevoir, ou est-ce qu'on est capable, par notre raison, de comprendre les causes ou les sagesses qui sont derrière les ordres, et entre ce qui est le bien et le mal, ce qui est beau et laid, est-ce qu'on est capable d'affirmer ça par la raison, sans tenir compte des textes ou des choses de ce genre. Le cheikh dit, جمهور أهل العلم من السلف والخلف أنه يفعل لحكمة وأن العقل يستطيع أن يدرك الحسن والقبح. Donc il dit que la majorité des gens de ilm parmi les salaf et les khalaf, ceux qui sont venus par la suite, ils disent que oui, Allah subhanahu wa ta'ala agit par sagesse et qu'on est capable par notre raison de trouver de comprendre le bien et le mal, le beau et le laid. Sauf que أهل السنة الجماعة يزيد ك ولكن لا يعاقب الإنسان إلا بعد الرسل وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. C'est-à-dire l'être humain ne sera pas puni tant qu'il n'a pas reçu un messager. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et on ne punira personne jusqu'à ce qu'il n'ait reçu un messager. Deuxièmement, إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ صَارَ حَسَنًا. Si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça devient un bien. Puis troisièmement, que Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il peut nous ordonner quelque chose juste pour nous tester. Il peut nous ordonner quelque chose juste pour nous tester. Donc, eux, Al-Mu'tazila, ils ont dit seulement pour le premier. Et ils ont nié le deuxième et le troisième. C'est-à-dire, ils ont dit que l'être humain, bon, ils sont d'accord que Allah ne va pas les punir, excepté après qu'ils aient un messager. Sauf qu'ils rejettent que lorsque Allah ait demandé quelque chose, ça devient bien. Et ils rejettent que ce soit également pour un test. Al-Asha'ira, ils ont tout mis ça dans le troisième seulement. Ils ont dit, tout ce qui arrive, c'est pour un test seulement. Et Ahl-Sunnah wa Jama'a, ils ont affirmé ces trois-là et ils ont cru en ça. Et bien entendu, il y a beaucoup de shubuhat. Par exemple, ils utilisent des versets, par exemple, « Oma asadaka min sayyi'atin fa min nafsik » « Ce qui t'atteint de mal, ça vient de toi-même. » Sauf que le terme qui est utilisé dans le verset, c'est « sayyi'a ». Donc certains ont essayé de, ils pensent que sayi'a, ça veut dire un péché. Alors que dans ce contexte-là, sayi'a, ça veut dire un mal quelconque. Pas nécessairement un péché qu'un serviteur a fait. Donc ça n'a pas rapport avec l'obéissance et la désobéissance. Ça a rapport avec les choses qui se produisent dans l'univers, qui sont un bien ou un mal. Comme par exemple le tremblement de terre, ou une guerre, ou quelque chose de mal quelconque. Un mal quelconque, hein. Et ça, c'est des choses qui sont prédestinées. Ça, c'est des choses qui sont prédestinées. D'accord? Il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, après, il y a un autre point, c'est « كَيْفَ يَخْلُقُ اللَّهُ الشَّرْوَ وَيُقَدِّرُهُ » Donc, une autre question, c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala crée le mal et il le prédestine. Eh bien, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le cheikh il explique, il dit « La yakhluqu al-shar al-mahd » Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé le mal, mais il n'a pas créé un mal qui est purement mal. C'est-à-dire, c'est toujours un mal relatif. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé un mal qui est purement mal. Dans tout ce qu'il a créé de mal, il y a quelque chose de bien. Mais c'est toujours pour une sagesse. Tout ce qu'il a créé en réalité, même si dedans il y a un mal, c'est pour un bien. Comme par exemple, l'existence d'Iblis. L'existence d'Iblis, Shaitan, c'est un mal. Sauf que, il y a un bien du fait que Iblis existe. C'est que, il y aura les mu'minines qui sont testés et qui entreront au paradis et qui seront récompensés pour avoir fait les bonnes œuvres. D'accord? Donc, même si c'est un mal, il y a un bien dedans. D'accord? C'est un peu de ce sens-là. Hein. Que tout ce qu'il a créé, c'est pour un test. Donc ça, c'est, en général, c'est qu'est-ce que j'avais rassemblé dans le livre de l'autre cheikh. Mais il y a eu beaucoup d'autres détails, mais je les saute parce que si on rentre trop dans ces détails-là, je pense qu'on va s'éloigner du point là. Donc on va revenir aux paroles du cheikh Al-Fawzan dans notre livre Al-Irshad pour résumer un petit peu tout qu'est-ce qu'on vient juste d'expliquer. Cheikh il dit « فمذهب السلف الأمة وأئمتها أن جميع أنواع الطاعات والمعاصي والكفر والفساد واقع بقضاء الله وقدره لا خالق سواه فأفعال العباد مخلوقة لله خيرها وشرها وحسنها وقبيحها والعبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر عليها قاصدا لها وقاصد لها وفعل لها. Donc il dit que le madhhab des salaf en ce qui concerne cette question c'est que et ainsi que les imams c'est que tout ce qu'on fait de bonnes œuvres hein, de péchés de mécréance, de désordre, tout ce qui arrive dans l'univers de ces choses-là, ça fait partie de ce que Allah a décrété et prédestiné. La khaliqa siwa. Il n'y a pas d'autre créateur en dehors de lui. Donc il y a toutes ces choses-là, ça ne peut pas échapper sa toute puissance et sa volonté. D'accord ? Il n'y a pas d'autre créateur que lui. وأفعال العباد مخلوقة لله. Les actions des créatures sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les bonnes et les mauvaises. Les belles et les laides. Et le serviteur n'est pas forcé de faire ses actions. Il les fait, il a sa capacité de le faire, et il a son intention de le faire, et c'est lui-même qui les fait. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait à sa place. D'accord? Mais il y a une chose, par exemple, c'est que, en tant que, comme si quand on parle au sujet du bien et du mal et de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'attribue jamais directement à Allah le mal. Et vous allez voir, si vous lisez le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le mal n'est jamais attribué directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est parce que c'est pour avoir une bonne manière ou une politesse vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala dans notre façon de parler de lui et de s'adresser à son sujet. D'accord? Donc c'est pour ça que par exemple vous allez voir par exemple dans plusieurs versets, comme par exemple قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ. Allah subhanahu wa ta'ala a pas attribué le mal directement à lui, mais il a attribué le mal à ses créatures. Min sharri ma khalaq. À cause du mal qui est en ses créatures. Du mal qui vient de ce qu'il a créé. Ouais, du mal de la création. Ouais, c'est ça. Un autre exemple. Ouais, idha maridtu فهو يشفين. Allah سبحانه وتعالى il mentionne cet exemple dans les paroles d'Ibrahim. Ibrahim, quand il a dit, et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. On sait que la maladie, ça vient d'Allah سبحانه وتعالى, c'est lui qui l'a fait, mais il n'a pas dit, et quand tu me rends malade, c'est lui, tu me guéris. Et ça, c'est une question de politesse. Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala quand on parle de Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation. D'accord? Et dans un hadith, dans un dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكِ. Le mal n'est pas attribué à toi. D'accord? Donc, le mal, on sait que c'est Allah qui le crée, qui a tout créé, le bien et le mal dans l'univers, c'est Allah qui l'a créé. Sauf qu'on ne l'attribue pas directement à Allah subhanahu wa ta'ala, par politesse envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il continue, il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي من العبد بمعنى أنها قائمة بالعبد وحاصلة بمشيئته وقدرته وهو المتصف بها والمتحرك بها الذي يعود حكمها عليه وهي من الله بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملا له وكسبا كما يخلق المسببات أو المسببات بأسبابها وهي من الله مخلوقة له ومن العبد صفة قائمة به واسعة بقدرته وكسبه كما إذا قلنا هي الثمرة من الشجرة وهذا الزرع من الأرض بمعنى أنه حدث منها ومن الله بمعنى أنه خلقه منها ولم يكن بينهما تناقض. انتهى. Donc l'imam Ibn Taymiyyah il dit que les actions et les paroles, que ce soit parmi les péchés ou les obéissances ou les désobéissances, elles viennent du serviteur. C'est-à-dire qu'elles sont en le serviteur, et c'est lui qui l'a fait par sa volonté et par sa capacité lui-même. Et c'est à lui qu'on l'attribue, et c'est lui qui l'a fait. Et la conséquence de ses actions revient à lui également. Et elle est attribuée à Allah, ou elle est à Allah également, dans le sens que c'est lui qui l'a créé par ce serviteur-là. C'est lui qui a créé cette action-là, c'est lui qui a créé l'acte de son serviteur, et qui l'a fait de cette action-là, une action de ce serviteur-là, etc. Donc c'est lui qui l'a créé, et il a créé la cause et l'effet. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la cause et l'effet. Donc elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est l'être humain lui-même qui l'a fait par sa volonté et par sa capacité. C'est comme si on dit le fruit de l'arbre, le légume qui sort de la terre. C'est la terre qui a fait que c'est grâce à la terre et c'est grâce à cet arbre-là que ce fruit-là est sorti, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a tout créé. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre ceux-là. Le fruit de l'arbre. Donc l'arbre, le fruit est venu de l'arbre. Le fruit ne peut pas pousser dans le mur. Il a créé dans... Allah a voulu que ce fruit-là pousse dans cet arbre-là. D'accord? Et c'est lui qui l'a créé comme ça. Le cheikh, il dit, وقال السفريني والحاصل أن مذهب أهل السلف ومحقق أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله والله سبحانه جعله فعلا له محدثا له قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأثبت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. Donc là, ça c'est la fin de la citation de l'imam al-Safarini. Il dit que la voix d'Ahl al-Sunna et le mazhab des salaf au sujet de Al-Qadar et des créations et des actions des serviteurs, et bien il dit que Ahl al-Sunna, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la capacité du serviteur ainsi que sa volonté et ainsi que son action. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, et que le serviteur c'est lui-même qui fait son action réellement. Hein? Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce serviteur-là puisse faire cette action et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وما تشاءون إلا أن يشاء الله. C'est-à-dire, vous ne pourriez pas vouloir, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui-même. Donc, il a affirmé que l'être humain a une volonté. Hein? Il a, وما تشاءون. Dans ce verset-là, il a affirmé qu'il y a une volonté. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Celui qui veut qu'il prenne le chemin vers son serviteur. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Et vous ne pouvez pas vouloir, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a voulu. Parce qu'il n'y a rien qui peut arriver dans l'univers, excepté que si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu lui-même. D'accord? Donc il a affirmé au serviteur une volonté, et il a affirmé également, et il a informé que cette volonté-là, elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? وأقول الشيخ زي وأقول ومما يؤيد هذا أن الله أعطى الإنسان عقلا وقدرة واختيارا ولا يحتسب فعله له ولا يحتسب فعله له أو عليه إلا إذا توفرت فيه هذه القوة فالمجنون والمعتوه أو المكره لا اعتبار لما يصدر منه من الأقوال والأفعال ولا يؤاخذون عليها. Donc, le chef il dit, la personne qui est folle, ou bien qui est handicapée, ou bien qui est contraint à faire quelque chose, on ne va pas le prendre pour compte pour qu'est-ce qu'il a fait d'action ou de parole. Parce qu'elle est folle, elle n'a pas sa raison. Et parce qu'elle est incapable ou qu'elle a été contraint à faire quelque chose. D'accord? Donc, le chef il dit que l'être humain, Allah lui a donné une raison, une capacité et un choix de choisir ses actions. Hein? Et ça, c'est la preuve. Le fait qu'une personne, quand elle est folle, et qu'elle fait quelque chose à cause, suite à sa folie, elle n'est pas prise pour compte pour les actions qu'elle a faites. Et quand elle est contrainte, c'est-à-dire tu prends quelqu'un, puis tu le menaces avec une arme, et tu lui dis, si tu vas pas faire telle telle chose, je te tue. La personne, elle va le faire, mais elle ne le fait pas avec sa volonté. Elle le fait parce qu'elle est obligée de le faire. Elle n'est pas tenue pour compte. Donc c'est ça que le cheikh dit, وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُجْوِرْ وَلَا مُسْتَقِلْ بِنَفْسِهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Donc ça prouve que l'être humain n'est pas contraint dans tout ce qu'il fait, et ça prouve en même temps qu'il n'est pas complètement libre dans tout ce qu'il fait et indépendant dans tout ce qu'il fait. Donc ça c'est un résumé de la position de Ahlus Sunnah al-Jama'a en ce qui concerne al-Qadar et les actions et la création des actions